chin bagay. Ou pa kompleksé, pa konnen ni pop ni rich. Kokombe, sa pa gade ou. Chin pete, ki te mele pli pie ou. Dyon son nan maman, ki te mele fondan. Son écran, il sort.